Book 2 82 82 82 الماضي 2 Passé 2 Passé 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler une ambulance. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler le médecin. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Tu devais appeler la police. Tu devais appeler la police. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. لقد كان علي أن أخذ تاكسي. سيارة أجرة. Je devais prendre un taxi. Je devais prendre un taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Je devais acheter un plan de ville. Je devais acheter un plan de ville. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Je devais éteindre la radio. Je devais éteindre la radio.